faire l'amour et j'userai ton corps bien plus loin que ça va. J'userai les jours à te faire l'amour et j'userai.